clé des grandes métamorphoses. Rebienvenue à l'émission Bouquins et Confidences, animée par Julie Collin. Cette semaine, je suis accompagnée de Denis Beaujoie. Bonjour. Bonjour. Donc, avant la pause, on a discuté un peu de votre parcours, bien, en fait, beaucoup de votre parcours. On avance un peu dans le temps. Vous êtes lancé dans les éditions. Vous avez recommencé avec une autre maison d'édition, mais avant ça, tantôt, je vous disais ça, je voulais qu'on parle de la maison Septentrion, mais avant, j'aimerais ça juste qu'on parle un petit peu de la maison d'édition, le Centre éducatif et culturel. Là, vous avez travaillé aussi comme PDG. Ouais. Ouais, ouais. Les différences. En fait, c'est que je voulais savoir un peu, c'était quoi les différences entre une maison d'édition qui est plus dans le scolaire versus une maison d'édition qui est plus dans le livre tout public? Ben, c'est le jour et la nuit. Y a-t-il une grosse différence entre le jour et la nuit? Ben, quand même. Ouais, ben alors, y a même encore une plus grande différence. C'est un autre monde. C'est encore le livre, par exemple. Et moi, après avoir fait de la politique, quand j'ai quitté, j'avais pas de... Moi, j'ai une formation en lettres. Quand tu as une formation en lettres, tu n'as pas de plan de carrière. Tu peux toujours décider d'être poète, là, mais y a pas, tu peux écrire de la poésie, mais pour payer l'épicerie, c'est un peu risqué. Mais il reste que j'avais confiance qu'avec cette formation-là, je finirais toujours par trouver quelque chose. Et puis, quand je quitte la politique, je suis devant rien, on peut dire. Et là, j'aime raconter une petite anecdote. J'avais eu un professeur de cinéma au séminaire, l'abbé Toutier, qui allait à Cannes, au Festival de Cannes, à tous les ans. Et là, je viens de quitter la politique, et là, je sais pas ce que je vais faire dans la vie. Et je le rencontre sur la rue principale à Trois-Rivières. Puis on parle, et puis et à un moment donné, en se quittant, j'ai dit, « Là, vous préparez-vous à aller à Cannes encore cette année, M. l'abbé? » Ah, il dit, « Oui. » Puis là, j'ai une idée, j'ai dit, « Pourquoi vous ne m'amenez pas avec vous? » Ben, il dit, tu voudrais venir à Cannes? » Ben, j'ai dit, « Écoutez, je vais payer mon voyage, là. » Mais je dis, « Oui, j'aimerais ça aller à Cannes. » Ben, il dit, « Je peux t'arranger quelque chose. » Il dit, « Je vais trouver un de mes amis qui est distributeur, puis ont toujours besoin de le plus grand nombre de personnes possible pour voir des films, pour acheter des films pour qu'ils vont distribuer ici au Québec. Et je vais en trouver un qui va être prêt à te mettre sur sa liste pour que tu sois accrédité là-bas. » Ben, j'ai fait le Festival de Cannes pendant 25 ans d'affilée. J'en ai pas manqué un. Et un jour, l'abbé Cloutier faisait des chroniques pour le Nouvelliste. Il est tombé malade. Et là, il a dit au Nouvelliste, « Engagez donc vos joies. » Et là, j'ai été chroniqueur au Nouvelliste pendant 10, 12, 15 ans. J'ai même été à Radio-Canada ici, j'ai fait des chroniques pour Cannes, etc. Ça a meublé, ça m'a pas fait vivre, là, mais ça a meublé une partie de ma vie. Mais Jean-Paul Allier avait des bureaux à Québec quand j'ai quitté la politique, et le lendemain, il m'avait téléphoné. Il m'avait dit, « Denis, je sais ce que c'est quand on quitte. » Il dit, « C'est le vide qui se fait autour de nous autres. » Alors, il dit, « Ici, j'ai des bureaux de libre. Viens t'installer. » D'abord, il dit, quand tu veux recevoir des appels, tu es toujours inquiet. Si tu n'es pas chez vous, les appels tombent dans le vide. Alors, il dit, viens ici, il y a une secrétaire, une réceptionniste et tout. Tu as des bureaux. Alors, viens t'installer avec moi. Et je me suis installé chez lui. Puis un jour, pas longtemps après, il y a un chasseur de tête qui est venu pour questionner l'allié pour savoir s'il était intéressé à un poste de PDG du Centre éducatif et culturel. Et l'allié dit, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais il dit, j'ai quelqu'un dans mes bureaux ici que ça pourrait intéresser. Et alors, chasseur de tête est venu me voir, m'expliquer un peu. Puis le CAC, c'était 50% achète. Puis comme je leur avais fait un peu de misère avec ma loi du livre, je me suis dit, ça va être quand même amusant. Je vais laisser porter mon nom, ça va être amusant. Ils m'ont proposé le poste. Et moi, en faisant de la politique, j'ai beaucoup perdu sur le plan financier. Parce que j'ai cédé le Boréal pour presque rien, mon imprimerie pour presque rien. J'ai nui à ma femme plutôt qu'autre chose. Et là, tout d'un coup, le CSC se présentait comme une possibilité. Et là, le salaire était faramineux. Hachette m'invitait à Paris régulièrement pour discuter de l'entreprise. Il me faisait voyager en classe affaires ou en première classe. Il me logeait dans des 4 étoiles à Paris. Il n'y avait rien de trop beau. Et là, je gagnais vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Puis j'en faisais gagner beaucoup à d'autres aussi parce qu'on était sur une mine d'or. J'héritais d'une maison d'édition qui avait eu 22 mois de grève. Là, la machine repartait. Et les cadres avaient fait fonctionner, avaient imprimé des livres. Les livres étaient dans les entrepôts. Mais là, non seulement on avait ces livres-là à vendre, mais en même temps, là, les travailleurs, les ouvriers, les employés du CEC étaient vraiment déchaînés. Là. Ils avaient le goût de repartir la machine. Et vraiment, c'était extrêmement lucratif. Mais en même temps, j'étais un patron. Moi, le problème syndical, j'ai pas connu ça dans cette entreprise-là. Je m'entendais bien avec tout le monde. Mais j'avais pas accès aux livres comme j'avais déjà eu accès. J'avais des intermédiaires, j'avais des équipes d'éditeurs, etc. Alors là, je me disais, je peux pas faire ça toute ma vie, gagner juste de l'argent. Et alors là, je rêvais d'avoir un nouveau Boréal. Et puis là, j'ai magasiné un peu pour acheter une maison d'édition. Puis finalement, les gens comprennent pas. Là, j'ai quitté une entreprise qui était extrêmement prospère. J'avais un gros salaire. J'avais la grosse voiture américaine à la porte. J'avais des billets de première classe. J'avais une carte de crédit pour aller au restaurant à volonté, aux frais de la compagnie. Là, c'était, il n'y avait rien de trop beau. Puis moi, je suis reparti à zéro avec le Septentrion. Fait qu'on arrive au Septentrion que vous avez lancé. On est rendu. On arrive au Septentrion que vous avez fondé dans les années 80, 87? 88. Donc, en 88, vous avez fondé le Septentrion par passion. Absolument. C'est beaucoup pour ça. Dans le fond, vous dites que vous avez quitté un emploi qui était très lucratif. Ouais. Ça, c'est que c'était pas une question financière, c'était une question de passion. Ah non, ben, d'ailleurs, au Septentrion, j'ai jamais pris de salaire. Mais il faut dire que c'est un petit secret, ça, mais c'est assez ébruité un peu. C'est que dans tout mon parcours, il y a une question qui m'a toujours fasciné, c'est les questions d'aménagement. D'ailleurs, en politique, ça m'a joué un tour, parce que des tours, en fait, parce que j'étais tellement entêté sur la question d'aménagement que je me suis un peu chicané, et puis je suis parti un peu dans un contexte comme ça. Mais les questions d'aménagement m'amenaient aussi à l'immobilier. Et entre autres, pour la librairie sur la rue Maguire, un jour, on voulait faire des travaux, puis on se faisait refuser les permis de travaux. Et là, j'ai finalement décidé d'acheter une banque qui était à vendre sur la rue Maguire. Puis j'ai commencé à investir comme ça dans l'immobilier à partir de mes connaissances sur l'aménagement. Et vraiment, j'avais servi d'historien pour une commission d'urbanisme. Et les urbanistes, c'est des gens qui en ont de la misère, ça. On les écoute pas beaucoup. Mais ils sont intéressants. Et moi, j'avais beaucoup appris avec eux autres. Donc, ce que j'avais appris avec eux autres, j'ai commencé à l'appliquer pour faire de l'immobilier. Et quand je suis revenu au Septentrion, d'ailleurs, j'ai installé la librairie dans une bâtisse qui m'appartenait. J'ai installé les bureaux de Septentrion dans cette bâtisse qui m'appartenait, et ainsi de suite. Donc, je n'avais pas de gros loyers à payer. Et donc, je pouvais fonctionner avec le rendement que j'obtenais de l'immobilier. Et ça, ça explique beaucoup l'audace que j'ai eue avec le Septentrion. Parce que je dépendais pas du banquier. Le banquier dépendait de mes loyers, si tu veux. Et ça m'a permis de développer une maison d'édition en toute liberté. C'est quoi la couleur un peu de la maison d'édition Septentrion? Bien, au Boréal, c'était beaucoup d'histoire. Et le Boréal que j'avais cédé a commencé à évoluer vers une maison plus généraliste. Et beaucoup de romans, etc. Mais encore d'histoire, mais pas autant. Alors moi, je constatais qu'il y avait encore de la place pour l'histoire. Puis l'histoire, c'est une discipline qui... les livres d'histoire, quand ils sont bien, là, ils se vendent jusqu'au dernier. Tandis qu'un roman, tu peux rester collé. Hein? Les essais, tu peux rester collé. Mais avec les livres d'histoire bien faits, là, tu vas jusqu'au dernier. Alors moi, j'ai redémarré avec un volet histoire. Et puis, écoute, ça a marché. Mais vous faites pas juste de l'histoire, Septentrion. Non, non. Mais au début, c'était vraiment l'axe principal. Mais après ça, se colle là-dessus d'ethnographie, de l'archéologie, puis les sciences humaines en général. Puis après ça, moi, je voulais faire des romans aussi. Au début, j'éditais des romans. Puis comme je savais que c'était difficile pour un romancier de trouver un éditeur pour son premier roman, alors moi, j'avais une catégorie « premier roman ». Et pendant au moins 10, 12, 15 ans, j'ai édité à chaque année un premier roman. Puis je les aime encore, mes premiers romans. Wow! Et au fil de votre expérience, est-ce que vous avez déterminé les qualités d'un bon éditeur? Qu'est-ce qu'un bon éditeur doit faire? Ah bien sûr que j'ai déterminé ça. Autrement, je ne sais plus là. Hein? Ben oui. Non, mais c'est une blague que je fais. D'abord, il faut travailler. Il faut travailler vraiment beaucoup. Moi, je raconte souvent que j'avais une toute petite équipe. Au début, j'étais seul. Là. J'avais une personne avec moi. J'avais appris à faire un peu de tout. Mais quand la journée était terminée, puis le téléphone n'avait pas arrêté de sonner, puis les gens arrivent sans rendez-vous, je suis un éditeur, t'arrives sans rendez-vous. Alors là, je me retrouvais à 5 heures avec le calme. le calme puis une pile de manuscrits. Alors, je me mettais dans les manuscrits. Puis quand un manuscrit m'intéressait, là, j'en faisais mon affaire. Alors là, j'entrais en contact avec l'auteur, puis là, on commençait à discuter. Et j'avais découvert, en lisant Robert Laffont, d'ailleurs, Robert Laffont avait fait un livre qui s'appelait L'édition ou l'éditeur, puis racontait comment se développe une histoire d'amour entre un auteur et un éditeur. Quand tu dis à un auteur, je vais le faire ton livre, là, tu deviens quelqu'un d'important. Et pour toi, l'auteur aussi est quelqu'un d'important. Parce que là, tu vas mettre du temps là-dessus, tu vas risquer de l'argent là-dessus, puis tu vas t'engager. Hein? Donc, il se crée des liens très, très importants entre l'auteur et l'éditeur. Alors, donc, dans mon travail, j'identifie un certain nombre de livres que j'avais le goût d'éditer. Et là, c'est l'histoire d'amour qui commençait. Et donc, tu comptes plus ton temps. Donc, il faut vraiment y mettre le temps. Il faut pas être économe. Après ça, il faut... j'ai raconté un peu que financièrement, j'avais une certaine aisance, mais quand même, il faut gérer. L'argent ne tombe pas du ciel de toute façon. Donc, je pense que la deuxième qualité, il faut que tu sois un bon gestionnaire, plus que la moyenne, parce que c'est un commerce difficile. Alors, il faut que tu sois meilleur gestionnaire que si tu étais gérant de la banque. C'est vraiment exigeant. Et aussi d'avoir une liberté, de pas être toujours, d'abord de pas dépendre du banquier justement, puis devant un manuscrit que t'aimes, pour te le permettre, c'est-à-dire je me permets d'investir dans ce livre-là parce que je l'aime et parce que j'y crois. Et tout en sachant, quand tu fais 30 ou 40 livres par année, tu sais que tu vas perdre de l'argent avec la plupart des livres, pas la plupart, mais en tout cas certainement la moitié. Tu pourras pas arriver dans ton argent. Mais tu sais aussi que si tu en as 2 ou 3 qui marchent bien, ils font toute la différence. Parce que le premier livre, il coûte cher. Mais quand tu en tires 3 000, ben, c'est toujours le même travail, au fond, la mise en page et tout. Ça, tu le fais qu'une fois. Puis quand tu fais partir les presses pour imprimer 3 000 livres, là, ça tourne 15 minutes. Ça veut donc dire que les premières minutes, ils coûtent quelque chose, mais après ça, c'est le papier puis l'encre. Ils ne coûtent pas à l'unité. Si tu répartis tes frais sur 3 000, c'est plus la même chose. Puis si tu réimprimes, alors là, c'est magique. Parce que là, tu n'as plus rien à faire. Tu as juste à appeler l'imprimeur. J'en veux 3 000. Hein? Ben, ça, c'est ça. Il faut les imprimer, mais après donc, ça, il faut les distribuer. Puis tout ça, je me dis qu'il y a tout un... Alors, la règle, c'est donc la liberté. D'avoir la liberté de tes choix. Ça, voilà 3 qualités. Wow. Je pourrais en ajouter pour donner de l'importance au métier d'éditeur, mais... Ben, pourquoi pas? Non, mais écoute, je pense aussi qu'il faut être près des gens. Il faut avoir un peu une idée des attentes des gens. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des succès en termes de quantité. Moi, je parle souvent dans l'édition, des fois avec des auteurs, je disais, je te promets pas un succès de librairie. Je te promets pas des gros droits d'auteur. Mais je te promets un succès d'estime. Les gens vont l'aimer ton livre, puis vont t'en parler, puis vont t'en parler longtemps. Ça va être un livre de qualité, bien fait, bien rendu. Oui, puis c'est réel. Hein? Quand tu fais un livre qui est apprécié, tu arrives n'importe où. Quelqu'un te met la main sur l'épaule. « Hey, vous êtes un tel, j'ai lu votre livre. » Puis alors, écoute, celui qui dit « j'ai lu votre livre » est content, puis celui qui se fait dire « j'ai lu votre livre » est content aussi. Est-ce que vous êtes encore actif à Septentrion? Un peu. Un peu? Un peu. OK. J'aurais une question un peu pour vous, qui est un peu particulière quand même, je l'avoue. Est-ce que c'est déjà arrivé que certains de vos livres soient écrits par des écrivains qu'on nomme fantômes? Des écrivains, pas les vôtres à vous, mais les livres qui ont été édités chez Septentrion. Est-ce que c'est déjà arrivé que ça soit un auteur qui soit... L'auteur qui écrit, c'est pas nécessairement celui qui est publié. C'est pas nécessairement celui que son nom est sur la couverture. J'ai été pendant 2 ou 3 ans directeur des presses du Versailles-Laval. Il était vraiment dans le trou, on va le dire de même. Puis moi, j'avais décidé que les presses du Versailles-Laval passeraient pas entre les mains de n'importe qui parce que je sentais qu'il y a du monde qui rôdait autour. Puis j'aimais pas ça. Et j'avais approché, j'avais dit à ma femme d'ailleurs qui connaissait les recteurs puis tout le staff de l'université, je suis fait moi de rencontrer un de ce groupe-là. Puis j'avais une rencontre et je leur avais dit, moi je suis prêt à acheter les presses du Versailles-Laval. Puis on avait négocié. Puis à la dernière minute, ils m'avaient dit, non, on veut pas laisser partir les presses, mais venez donc ici. Et là, pendant 2 ou 3 ans, je me suis absenté du Septentrion. J'avais des gens très bien avec moi à ce moment-là, dont Gaston Deschênes. Alors là, j'ai décidé d'aller aux presses. Et là, quand j'étais aux presses, j'en ai eu des écrivains fantômes. J'ai des gens... Mais j'étais un peu coupable, parce qu'il y a des gens qui avaient un nom, puis un bon sujet, mais ils n'avaient pas le temps d'écrire, ou ils n'avaient pas la volonté d'écrire, etc. C'est ça, juste ça, le problème, je dois te le régler. Alors, et ça, dans le domaine d'édition, ça se fait quand même beaucoup. Hein? Les gens qui ont un nom, une réputation. On peut, je pense que dans le domaine des hommes politiques qui écrivent des livres, je pense qu'il y a une forte proportion où il y a un écrivain derrière. Ou encore, des fois, c'est une paire. Des fois, c'est quelqu'un qui a un très bon sujet, une très bonne connaissance, et puis qui n'a pas la plume facile. Donc, il y en a un qui a la plume facile, puis l'autre a la connaissance. Il y a des tandems comme ça. Ça, j'en ai eu au Septentrion, des tandems comme ça. Mais auprès, j'ai eu des écrivains fantômes. Des écrivains fantômes. Donc, ces personnes-là qui écrivent pour vrai, finalement, on ne marque pas leur nom nulle part. Au mieux dans les remerciements. Oui, je me rappelle, je pense que c'est le sac de billes. J'avais rencontré, je ne me rappelle pas du nom de l'écrivain fantôme qui avait écrit ce livre-là, mais je l'avais rencontré ce type-là. Il est venu à Québec, d'ailleurs. Puis c'était un gars qui écrivait sous 2 ou 3 noms de plumes parce qu'il y avait différents styles. Fait qu'il exploitait ses styles. Avec un certain style, il s'appelait un tel, fait qu'un autre style s'appelait autrement. Puis il m'avait raconté qu'un jour, il revenait de vacances, puis avant de partir en vacances, il avait fini le sac de billes pour un éditeur. Et ça avait été un gros... En fait, il ne savait pas encore, mais il avait fini le roman, il part en vacances, il revient, puis tout de suite à la gare, il voit des piles du sac de billes. Fait qu'il dit au commis, il dit, ça marche-tu? Le commis dit, ça marche. Il dit, on fournit pas. Fait que là, il avait hâte d'arriver à Paris pour savoir quel genre de contrat qu'il avait signé, parce que c'est lui qui l'avait écrit, le sac de billes. Et là, il voulait voir... Mais là, c'est au moins une question de droit, là. Parce que souvent, l'écrivain fantôme, il prend un montant forfaitaire, puis ça s'arrête là. Mais là, lui, il avait hâte de voir s'il allait avoir des droits. Je ne sais plus s'il avait des droits. Mais ça, c'est des exemples où, en France surtout, surtout aux États-Unis aussi. Mais d'ailleurs, on se demande toujours, maintenant, quand Hillary Clinton fait un livre, est-ce qu'elle l'écrit elle-même? Probablement qu'elle serait capable. Mais est-ce qu'elle l'écrit elle-même? Est-ce qu'elle a le temps? Est-ce qu'elle a l'envie? Puis c'est aussi, je pense que le principe d'écriture, c'est une chose, mais le principe de réécriture après d'avoir écrit son livre, finalement, de retravailler le manuscrit, c'est là des fois où ça se corse aussi. Oui, c'est vrai. Mais l'écriture, c'est très exigeant, mais c'est aussi très agréable. Et moi, le jour où je ne pourrai plus écrire, je vais avoir un gros problème. Parce que c'est devenu mon activité principale. Avant, j'ai joué au tennis, par exemple, comme un enragé. Mais aujourd'hui, je suis plus capable de jouer au tennis. Fait que, heureusement que je suis encore capable d'être au clavier. Est-ce que vous avez des projets de livres? Ah, ben oui. Peux-vous m'en dire un peu? Non. OK, une fille s'essaye. Non, mais moi, ça s'appelle Bouquin Confidence, hein, c'est pas pour rien. On arrive à la fin de l'émission. Moi, ce que je vous suggère de faire, parce qu'on pourrait discuter comme ça encore super longtemps. J'ai l'impression qu'on aurait pu prendre 5 heures, puis on les aurait comblés. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques suggestions de lecture pour nos auditeurs? Des suggestions de lecture, tout simplement, des livres que vous avez à nous recommander, des livres que vous avez aimés. Oui. Il y en a un qui est assez spécial. Ça s'appelle « Voyage d'un Européen à travers le 20e siècle ». C'est déjà, le titre est intéressant. Hein? Voyage d'un Européen à travers le 20e siècle. C'est voyager à travers le temps. C'est déjà une bonne idée. C'est intriguant. Et l'auteur, ce qui me plaisait, c'est qu'il est d'origine hollandaise, je pense. Je pense qu'il vient des Pays-Bas. Il s'appelle Mac Get. J'ai écrit son nom parce que ça s'écrit G-E-E-R-T, peut-être, ou quelque chose comme ça. Ça me mettait en confiance parce que voyager à travers le 20e siècle en Europe ou en tant qu'Européen, selon ton origine à toi, t'es bourré d'opinions. Si t'es anglais, tu vois l'Europe d'une certaine façon. Si t'es français, tu vois l'Europe d'une certaine façon. Si t'es allemand, t'as ta façon de voir l'Europe. Quand t'es hollandais, t'as des chances d'être un petit peu plus neutre, un peu moins chauvin. En tout cas, c'était mon opinion. Donc, je plonge dans ce livre-là. Après 200 pages, j'ai quelque chose qui m'occupe ailleurs, donc je laisse tomber. Et j'en parle avec Marie-Hélène à la librairie, qui me questionne, ou je la questionne, parce que mes livres sont beaucoup recommandé par Marie-Hélène ou par ma femme. C'est mes principaux conseillers. Alors là, elle me conseille des livres, mais là, elle me parle comme ça d'un voyage européen. Ah ben justement, je l'avais commencé, mais je l'ai mis de côté. Ah ben alors, elle dit, toi, t'as fait une erreur, par exemple. Elle dit, à mon avis, t'es mieux de recommencer. Alors, j'ai écouté. Là, je suis rendu à la page 200, mais je dis, tant qu'à y être, je vais recommencer à la première page. Puis je vais prendre mon élan. Écoute, c'est devenu un des livres les plus importants de ma vie. Parce que c'est agréable, et c'était comme je pensais. C'est l'auteur est disponible. Il s'intéresse à tout, mais il n'arrive pas avec des idées préconçues. C'est vraiment intéressant. Et donc, c'est un livre que j'ai repris de temps en temps. Mais un bon jour, je vais le relire encore au complet, d'ailleurs. Ça, c'est un exemple. Je vais aller à un livre très différent. J'y pense parce que le soir, aux nouvelles, on voit Claudine Bourbonnais. Puis je la regarde toujours avec des yeux un peu spéciaux. Je me dis, cette fille-là a écrit un bon roman. C'est en fait, elle lit les nouvelles, si elle est bonne. Mais c'est que derrière cette lectrice de nouvelles, il y a quelqu'un qui a beaucoup de talent. Et un jour, je pense bien qu'elle a dû prendre un congé sans solde pendant plusieurs mois parce que son livre est bien travaillé. C'est Métis Beach. Alors, ça se passe à Métis-sur-Mer et puis à New York. Alors, c'est une bonne histoire. C'est bien mené. Mais j'aime bien, d'ailleurs, ça, c'est une chose que pour moi qui est importante quand je lis. Je veux avoir du plaisir. Je veux que ça soit bien écrit. Je veux que mon intérêt soit soutenu. Puis je veux apprendre. Et j'aime ça, arriver dans un domaine où je suis plutôt ignorant. Et là, j'apprends. Donc, avec Métis Beach, j'ai mieux compris ce que c'était Métis-sur-Mer, puis un certain parcours des gens de New York, des Américains riches qui viennent passer l'été ici puis qui retournent chez eux. Donc, ça, c'est un peu le fond du roman. Donc, j'ai appris avec Métis Beach. Tout récemment, j'ai eu besoin de revenir sur un épisode qui me touche beaucoup, moi, sur le plan politique, c'est le rapatriement de la Constitution. Puis là, je disais quelque chose sur les Autochtones, d'ailleurs, parce que les Autochtones, actuellement, ont, dans la loi constitutionnelle, ils ont des avantages nouveaux. En gros, tu as l'article 35 de la loi constitutionnelle qui dit les droits issus des traités seront reconnus et respectés. Alors, là, j'ai dit, faut faire attention, les droits, c'est comment ils sont définis, les droits. Alors, c'est les droits issus des traités ou encore les droits ancestraux. Mais ça, on sait que M. Trudeau, qui est derrière le rapatriement de la Constitution, en 69, il avait préparé un livre blanc pour abolir la loi des Indiens, abolir les réserves et faire en sorte que les Indiens soient des citoyens à part entière, que le statut d'Indien soit disparu. C'est fini. En 69, Trudeau écrit un livre blanc avec Jean Chrétien pour dire « Fini la loi des Indiens ». Alors, mais là, il a reculé. Les Indiens ont dit « Non, non, non, non, vous ne pouvez pas faire ça comme ça. Les réserves, on les dénonce quand on voyage en Europe, mais vous ne pouvez pas nous les enlever du jour au lendemain. La loi des Indiens, il y a trop d'avantages attachés à la loi des Indiens. Avant de l'enlever, vous allez pouvoir nous donner quelque chose en remplacement. » Et donc, Trudeau avait reculé en 69. Et arrive le rapatriement de la Constitution. Et là, tout d'un coup, Trudeau il recrée des nouveaux droits, puis il les consolide, puis il dit ils vont être reconnus et respectés. Et là, je veux comprendre. Et je me doute bien que Trudeau a dû, pour aller avoir l'assentiment des Indiens, il a fallu qu'il cède quelque chose. Et je voulais savoir dans quel contexte ça s'était fait. Puis je savais que le Québec s'était débattu pour empêcher le rapatriement de la Constitution. Puis je savais que le Québec avait fait alliance avec les Autochtones. Mais je savais aussi que vers la fin, les Autochtones avaient laissé tomber le Québec. Alors là, j'en étais là. Quand j'ai mis la main sur un livre que je connaissais, qui était dans ma bibliothèque, que j'avais feuilleté, de Frédéric Bastien. Frédéric Bastien, qui est professeur dans un collège à Montréal, qui a écrit « La bataille de Londres ». « La bataille de Londres », qui raconte donc comment Autochtones et Québécois se sont battus à Londres pour empêcher le rapatriement de la Constitution. Ils ont perdu, mais la bataille est quand même intéressante. Voilà, c'est un peu les trois livres que j'ai le goût de suggérer. OK, puis moi, je suggérerais « L'amour du livre », qui est un de vos livres. Moi, je le suggérerais, personnellement. Je l'ai lu, « L'amour du livre », de Denis Vaujoie, vous. J'ai vraiment aimé ça, faire vraiment le tour de votre histoire. Dans le fond, tantôt, on est allé vraiment brièvement sur tout ce que vous avez fait. Vous êtes vraiment allé beaucoup plus loin dans le livre. Puis... Oui, mais c'est rapide aussi. Hein, c'est, ce ça se lit bien. À combien de temps il me reste à peu près? Là? Et là, il reste une minute à l'émission. Là. C'est fini? Il reste une minute. Ah, une minute. Mais ce livre-là, je l'ai écrit. J'avais accepté de donner un cours à l'Université Laval et sur l'édition. Et je me suis dit, je vais écrire mon cours. Je vais prendre ça au sérieux. Alors, pendant 13 semaines, j'écrivais un chapitre à chaque semaine. C'est devenu l'amour du livre. Mon livre préféré, c'est souvent son dernier, hein, son livre préféré, c'est un livre que j'ai fait sur la communauté juive, sur les Juifs. Là, c'est sur 3 générations. Et moi, pendant toute ma vie, j'ai travaillé sur l'histoire des Juifs. Et ça s'appelle « Les premiers Juifs d'Amérique », puis c'est mon préféré. En fait, c'est votre dernier, c'est votre petit bébé. Non, le dernier, c'est celui que j'ai fait sur Jacques Lacourcière. Ah oui. Hein? Faire aimer l'histoire. Oui, ça, c'est super important. Et on pourrait repartir sur une discussion là, avec ce livre-là, mais on ne peut plus, parce qu'il nous reste 20 secondes. Le temps de vous remercier d'avoir été avec nous. Ça passe toujours trop vite, les émissions à Bouquins et Confidences. C'est toujours super intéressant. Merci, Denis Vaugeois, d'être venu aujourd'hui nous parler. Ça m'a fait plaisir, Julie. Ah non, mais vraiment, c'était super intéressant. Il faudrait me voir en train de l'écouter. Puis, en tout cas, moi, j'en aurais pris encore. Puis, je suis certaine que les auditeurs partagent... En tout cas, votre amour du livre est contagieux. On va le dire comme ça. C'est un bon point, ça. Donc, je vous laisse au bon soin de la prochaine émission, qui est Les Saints patrons de la Couffaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. Bonne soirée.